Près de 90 ans après, le sujet demeure explosif et suscite la polémique. Je veux parler du génocide arménien de 1915. Le mot même de génocide est controversé puisque les autorités turques n'ont jamais accepté de reconnaître que leurs concitoyens d'origine arménienne ont été victimes d'une campagne systématique d'extermination. Et la récente arrivée au pouvoir à Ankara d'un parti islamiste, même modéré, ne devrait pas inciter le nouveau gouvernement à changer de position sur cette grave question qui empoisonne toujours les relations de la Turquie avec de nombreux pays occidentaux et qui ne manquera pas d'être encore soulevée le jour où la candidature européenne d'Ankara sera sérieusement examinée à Bruxelles. Il y a quelques mois, M. X a déjà abordé ce sujet en m'entretenant du terrorisme arménien de l'organisation Azala, qui a commencé dans les années 70 et 80 à s'attaquer à des diplomates et des représentations turques. Un terrorisme qui a particulièrement concerné la France, mais qui, selon mon interlocuteur, n'avait pas toujours pour objet réel de frapper les intérêts turcs. Inutile d'y revenir. Soulignons quand même que ces actions terroristes, aussi condamnables soient-elles, ont permis de remettre au premier plan la question arménienne si longtemps oubliée par la communauté internationale. La diffusion sur France Inter de cet entretien a provoqué de nombreuses réactions d'auditeurs. Aussi ai-je proposé à M. X de consacrer un nouveau chapitre à cette dramatique histoire dont beaucoup d'aspects demeurent encore méconnus. En particulier, la responsabilité de l'armée allemande dans ces massacres. Il faut rappeler que la Turquie, au cours de la Première Guerre mondiale, était l'alliée de l'Allemagne et que c'était Berlin qui avait réorganisé l'armée turque. Et si complicité il y a eu, il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec les deux génocides qui suivront un quart de siècle plus tard, celui des Juifs et des Tziganes. Ben vous le savez sans doute, la question du génocide demeure une plaie ouverte pour la communauté arménienne. Il est certainement probable qu'il en sera ainsi tant que la Turquie ne reconnaîtra pas ses responsabilités dans cette tragédie. Oui, mais enfin, pourquoi tant d'obstination de la part des Turcs? Après tout, les Allemands, eux, ont assumé leur crime après la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai, ils ont réparé quand c'était encore possible. Ouais. Alors, bah, c'est peut-être que les Turcs, eux, se refusent à réparer. Sans doute. Encore que cette réparation ne pourrait être que morale, presque 90 ans se sont passés. Il n'y a pratiquement plus d'Arméniens en Turquie, alors les Turcs s'en tiennent à leur version première. Les Arméniens sont morts au cours de déportations exigées par la situation militaire pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui, ça veut dire que pour eux, il n'y aurait pas eu de volonté de les exterminer. Ah, ça, c'est la position turque. L'État ottoman n'aurait jamais persécuté ces minorités ethniques, pour une bonne raison. C'est qu'aujourd'hui encore, il nie l'existence de ces minorités et de tout problème ethnique sur son territoire. Il en va ainsi pour les Kurdes, et pour Ankara, les Kurdes sont des citoyens turcs, un point c'est tout. J'ajoute que la Turquie joue aussi habilement de sa situation politique et stratégique. Son appartenance à l'OTAN. Bien sûr. Tout au long de la guerre froide, la Turquie a été un pion essentiel du dispositif occidental en raison de sa proximité avec l'URSS. Mais même après la chute du mur, ça a continué. Si, comme il faut le craindre, les Américains attaquent l'Irak, certains de leurs bombardiers décolleront des bases qu'ils possèdent en Turquie. Ça explique en partie pourquoi les États-Unis n'ont toujours pas reconnu officiellement le génocide arménien. À la différence, il faut le noter, de la plupart des États européens. Oui, mais ça a parfois coûté très cher à ces derniers. Parce que la Turquie n'a jamais hésité à procéder à des mesures de rétorsion commerciale. Des ruptures de contrat. Exactement. C'est pourquoi, tout en reconnaissant la réalité du génocide, le Parlement européen a fait preuve d'une très grande prudence. C'est-à-dire? Eh bien, nos parlementaires ont tenu à souligner que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable des événements de 1915. Ce qui signifie en clair qu'on ne peut pas lui réclamer de réparation juridique ou matérielle. Mais avant le génocide, alors, voyons, quelle était la situation des Arméniens en Turquie? Bon, écoutez, je vais quand même pas vous faire un cours d'histoire. Non. Mais faut toutefois dire que le peuple arménien a subi le joug de nombreux conquérants, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, puis les Turcs. Oui, mais existe-t-il une Arménie? Un pays arménien, vous voulez dire? Oui, il était essentiellement situé dans la partie orientale de l'Anatolie. Mais au début du 19e siècle, une partie de cette Arménie est annexée par l'Empire russe. Il existe aussi à l'époque une petite Arménie, la Cilicie, qui se trouve plus au sud. Alors, me demandez-vous la situation des Arméniens? Disons qu'ils ont coexisté très longtemps de façon plutôt pacifique avec les Turcs, même si ces chrétiens étaient généralement considérés comme des citoyens de seconde zone. Et de seconde zone, ils n'avaient donc pas les mêmes droits que les Turcs musulmans. C'est ça. Il leur était par exemple interdit de porter des armes. Ils payaient plus d'impôts aussi. et ils étaient souvent l'objet de persécutions perpétrées par leurs voisins kurdes ou circassiens. Mais c'était une population très industrieuse et relativement bien intégrée. Certains Arméniens occupaient même de très hautes fonctions auprès du sultan. Mmh. Et quand est-ce que ça va changer ? Au XIXe siècle, justement, à cause de deux phénomènes. Il y a d'abord la désintégration progressive de l'Empire ottoman qui perd ses possessions dans les Balkans. Et puis il y a surtout la montée des nationalismes. Un peu partout en Europe, des peuples revendiquent leur indépendance et leur unité. Oui, c'est le concept d'État-nation. Oui, mais ça ne peut pas manquer de frapper l'imagination des Arméniens, dont beaucoup d'intellectuels vivent en Europe. Mmh. Et ils vont réclamer eux aussi leur indépendance. C'est évident. Mmh. C'est l'objectif à long terme des Arméniens. Mais dans un premier temps, ils veulent d'abord être considérés comme des citoyens à part entière. Et leurs revendications sont encouragées par les principales puissances européennes. Ça se traduit par une montée en puissance des mouvements nationalistes arméniens. Ce qui doit irriter au plus haut point le pouvoir ottoman. Il ne pouvait pas en être autrement. Et le sultan qui officiellement a proclamé que tous les citoyens turcs devaient jouir des mêmes droits est en réalité de plus en plus agacé, d'autant que les revendications arméniennes ne sont pas seulement politiques. En Anatolie orientale, on assiste à des révoltes d'agriculteurs qui protestent contre les brimades administratives dont ils sont victimes. Ouais, ce qui veut dire que le sultan veut réagir. Oui, car il craint par-dessus tout que les Arméniens, avec l'aide des Européens, ne fassent un jour ou l'autre sécession. Aussi va-t-il très cyniquement se livrer à un test épouvantable au milieu des années 90. Un test ? Qu'est-ce que c'est ça ? Pour éprouver à la fois la résistance des Arméniens et la capacité de réaction des puissances européennes qui leur étaient favorables, le sultan ordonne des massacres. La troupe, mais aussi les éléments kurdes fanatisés par la haine religieuse, se livrent à de nombreuses exactions. On estime que plus de 200 000 Arméniens ont péri à cette occasion. Quel test, effectivement, mais le résultat de ce test ? Le pouvoir turc se rend compte que les Arméniens sont très vulnérables, même si ces exactions vont renforcer leur sentiment national et même donner naissance à une véritable guérilla soutenue par la Russie. Mais surtout, il constate que les puissances européennes n'ont fait que protester. Mais sans intervenir directement. Oui, et d'ailleurs le sultan a une réponse toute faite pour apaiser les pays qui protestent. En réalité, prétend-il, il n'a fait que se débarrasser de dangereux agitateurs. Des révolutionnaires dont l'exemple pourrait bien un jour se révéler menaçant aussi pour les monarchies européennes. C'est habile. Mais enfin, vous avez parlé de guérilla. C'est juste. Une guérilla d'ailleurs très courageuse, très audacieuse, qui va multiplier les coups de main contre le pouvoir turc. Et il faut le noter, ces résistants qui tiennent plus de Robin des Bois que des guérillos modernes seront très populaires en Occident. Jaurès, Peggy, par exemple, exprimeront leur admiration pour leurs exploits. Mmh. Oui, mais que peuvent-ils réellement dans un pays où ils sont minoritaires ? Et là, vous avez raison. Et malgré le soutien actif du Kremlin, un soutien pas tout à fait désintéressé, ils ne pouvaient parvenir à leur fin. Mais au moins, grâce à eux, la question arménienne n'était pas oubliée. Et les bandes kurdes n'hésitaient désormais à attaquer les foyers arméniens. Toutefois, la situation va rapidement changer avec l'arrivée sur la scène politique et au pouvoir des jeunes Turcs au début du XXe siècle. Voilà, précision quand même. Qui sont ces jeunes Turcs ? Organisés au sein d'un parti, le Comité Union et Progrès, ce sont de jeunes étudiants et officiers qui disent s'inspirer des idéaux de la Révolution française. Contre le sultan, donc ? Oui, un sultan dont ils condamnent le despotisme et qu'ils accusent aussi d'avoir bradé l'Empire ottoman. Alors, ce sont également des nationalistes ? Incontestablement. Les partis arméniens, qui auraient pourtant dû se méfier, ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'émergence de ce nouveau mouvement. Enfin, pensaient-ils, ces jeunes Turcs qui arrivaient au pouvoir avec des idées modernes et généreuses allaient satisfaire leurs principales revendications. Mais ça n'a pas été le cas. Non, malgré les déclarations des jeunes Turcs qui proclamaient l'égalité de tous les citoyens sans distinction religieuse, les démons nationalistes étaient les plus forts. Et les Arméniens s'en sont rendus compte très rapidement dès 1909. Que se passe-t-il alors cette année ? Les tenants du sultan tentent une contre-révolution en Cilicie dans la petite Arménie. Naturellement, ils commencent par s'en prendre aux Arméniens, car il n'y avait pas de meilleur moyen de soulever la population que d'attiser les haines religieuses. Oh, ça c'est malheureusement assez classique. Hein ? Alors pour réprimer cette insurrection et protéger les Arméniens, les jeunes Turcs envoient la troupe. Mais rapidement, les soldats se retournent contre les Arméniens qu'ils étaient censés défendre. Bilan, 30 000 morts. 30 000 ouais. Les haines séculaires l'avaient emporté sur les idées révolutionnaires. Le paroxysme, ce sera le génocide de 1915. Chassés d'Europe, boutés hors de la Libye, qu'on appelait alors la Tripolitaine, les Turcs rêvaient de reconstruire leur empire. À l'est, cette fois-ci, dans la lignée de Gengis Khan et Tamerlan. Et c'est cette idéologie nationaliste qui imprégnait le mouvement jeune turc avant la guerre de 14-18. Yves Ternon, auteur avec Gérard Chalian d'un livre consacré au génocide arménien, peut écrire ainsi. Promu par une poignée de dirigeants du parti, infiltrant la capitale, pénétrant progressivement les provinces et ne gagnant que l'intelligentsia, la bourgeoisie et l'université, le mouvement idéologique s'étendit en tache d'huile de telle sorte qu'en 1914, ceux qui tenaient l'information et le pouvoir étaient en majorité convaincus qu'il n'y avait qu'un seul avenir pour l'empire agonisant, devenir le fer de lance d'une reconquête des territoires turcs d'Asie. Il y eut certes des divergences entre les réalistes qui, simples turquistes, songeaient d'abord à consolider l'acquis et à préserver la Turquie de nouveaux démembrements, et les utopistes qui se voyaient déjà en Asie centrale. Mais les deux tendances se rejoignaient sur la question des Arméniens. Ceux-ci demeuraient l'ennemi commun. Ainsi, peu à peu, les jeunes Turcs se persuadèrent jusqu'à l'obsession que rien ne pouvait se construire dans l'Empire tant que les Arméniens y demeureraient. Le livre de Vernon et Chalian a été publié en 2002 dans une nouvelle version aux éditions Complex. Est-ce que ce massacre de 1909 se traduit par un divorce entre les partis arméniens et le mouvement jeune turc ? Étrangement, non. Non, les Arméniens continuent à faire confiance aux nationalistes turcs. Bah, peut-être qu'ils n'ont pas le choix, non ? C'est certain. En outre, ils sont grâce à ces jeunes turcs représentés au Parlement. Mais ça n'empêche nullement les exactions de se poursuivre ponctuellement sur le terrain. Toujours des exactions anti-arméniennes. Oui, et peu à peu, on s'achemine vers la guerre. Depuis longtemps, la Turquie et l'Allemagne ont tissé des liens. Il est évident que si la guerre éclate, les Turcs se rangeront du côté des empires centraux, comme on les appelle. Donc, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et surtout contre la Russie, l'ennemi traditionnel des Turcs. Pour les Arméniens, la perspective de cette entrée en guerre est un vrai déchirement. Parce que s'ils sont mobilisés, ils seront amenés à combattre leurs frères arméniens qui vivent en Russie. Oui, qui rejoindront donc, eux, l'armée russe. Oui, oui, toutefois, leur principal parti, tout en émettant le souhait que la Turquie demeure neutre, engage chaque Arménien à remplir son devoir de citoyen ottoman si le conflit éclate. Ils iront même plus loin. Certains seront tentés d'accepter de passer un accord secret avec les jeunes Turcs afin d'organiser des opérations subversives de l'autre côté de la frontière russe. Et en contrepartie ? Le gouvernement turc leur promet de leur attribuer des territoires en Arménie russe. Mais c'est un piège, car il est certain que dès la déclaration de guerre, les Arméniens turcs vont faire figure de traître en raison de leurs affinités politiques et religieuses avec l'ennemi, c'est-à-dire les pays de l'Entente. La Russie d'abord, mais aussi la France qui a toujours soutenu leurs revendications. Oh, vous parlez de piège là. Est-ce que les dirigeants arméniens en ont vraiment conscience ? Difficile à dire. Ils peuvent espérer qu'en affichant ouvertement leur loyalisme, on leur saura gré de leur patriotisme. D'autre part, il ne faut pas oublier que nombre d'entre eux sont très intégrés dans la société ottomane. Des gens qui occupent de hautes fonctions dans l'administration ou qui maîtrisent une part importante de l'économie du pays, bien supérieure en tout cas à leur réel poids démographique. Alors ils ne sont pas trop inquiets, c'est ça ? Et pourtant, il y a dès l'entrée en guerre de la Turquie un signe qui les alarme. Le principal chef religieux du pays déclare la guerre sainte. Le djihad, là. C'est cela, la guerre contre les infidèles. Le grand mufti appelle les musulmans à massacrer les infidèles. Alors même que les Turcs sont alliés à deux empires chrétiens, hein, l'Autriche catholique et puis l'Allemagne protestante. Oui, mais enfin ça, on l'oublie. Ce qui compte, c'est que cet appel va exacerber le fanatisme de la population musulmane. Contre les chrétiens, c'est-à-dire essentiellement les Arméniens. Bien sûr, en fait, certains jeunes Turcs ont déjà prévu de profiter de l'entrée en guerre pour régler une fois pour toutes la question arménienne. Oui, le génocide. Oui, la meilleure preuve, c'est qu'ils ont mis en place dans le plus grand secret une redoutable machine, l'organisation spéciale. Une troupe de mercenaires et de repris de justice à qui l'on pourra demander d'exécuter les sales besognes. D'après vous, le génocide est donc déjà programmé ? Je le pense, oui. Et le déroulement de la guerre va permettre aux jeunes Turcs d'arriver à leur fin. La Turquie entre dans le conflit en novembre 1914. Et immédiatement, elle attaque la Russie. Mais en janvier 1915, l'armée ottomane subit une cuisante défaite aux confins de l'Anatolie. Sa troisième armée est anéantie. Et les survivants se replient dans une région peuplée en majorité par des Arméniens. Des Arméniens qui sont aussitôt considérés comme des traîtres et des espions. Oui, des agents de l'étranger, ça, oui. C'est ça. Oui. Et les exactions commencent tout de suite Oui, la troupe ottomane pille, réquisitionne, massacre. Au même moment, la presse turque se lance dans une violente campagne de propagande contre les Arméniens. Oui, c'est l'ennemi intérieur. C'est exactement ça, oui. Au fond, ce qu'on cherche à faire croire, c'est que la population arménienne est un appendice de la menace russe. Alors très vite, la situation devient explosive. Les soldats arméniens mobilisés dans l'armée turque sont désarmés et regroupés dans des bataillons chargés de travaux de voirie. La plupart seront ensuite exécutés. Mais c'était qu'un début parce que les événements vont se précipiter. Quelques semaines plus tard, au début avril, les Arméniens de la région de Zaytoun, très loin de la ligne de front, sont déportés dans le désert. Pourtant, eux ne représentaient aucun danger pour l'armée turque. Mais ils étaient, paraît-il, excessivement remuants. Ah, oui. En même temps, à l'est du pays, pour se protéger de la troupe turque qui multiplie les exactions, les Arméniens organisent leur autodéfense. Le prétexte est tout trouvé pour le gouvernement turc. Le génocide va pouvoir commencer sur une grande échelle. Oui, parce que cette autodéfense, ce que je pense, est assimilée par les Turcs à une révolte. Oui, oui. Mmh. Les autorités considèrent que les Arméniens menacent désormais la sécurité de l'armée ottomane. Et dès le 24 avril, on assiste à une gigantesque rafle dans les milieux arméniens de Constantinople. En fait, ce sont tous les notables arméniens qui sont arrêtés. Les médecins, les journalistes, les députés, les avocats, les riches marchands, bref. L'élite du peuple arménien est décapitée. Que deviennent-ils? Certains sont purement et simplement assassinés. D'autres sont déportés. C'est le vrai signal du départ du génocide. Car après cette grande rafle, les Arméniens ont perdu leur chef, leur guide. Alors, soyons précis, comment va se passer ce génocide? Les Turcs, essentiellement pour camoufler leurs crimes et les justifier ultérieurement, vont trouver un subterfuge que nous avons déjà évoqué. Dans les provinces orientales, proches du front, et où se trouve la majorité de la population arménienne, la conduite de la guerre, prétendent-ils, impose que cette dernière soit déportée. Parce que son éventuelle connivence avec les Russes représente un danger. Oui, c'est aussi simple que cela. L'armée turque, épaulée par les sbires de l'organisation spéciale, va procéder à la déportation massive des habitants de l'Arménie historique. On estime que plus d'un million de personnes ont été concernées par ce mouvement inédit. Mais il faut le dire tout de suite, il ne s'agit pas d'un simple déplacement de population. C'est-à-dire? Bon, en réalité, l'objectif, c'est l'élimination des Arméniens. Dans les villages, les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Et la plupart du temps, ils sont fusillés ou égorgés à quelques kilomètres de leur domicile. Et les femmes et les enfants Ils commencent à pied un long et terrible voyage vers les déserts syriens. Affamés, assoiffés, soumis aux persécutions des gendarmes, des mercenaires ou des habitants des régions qu'ils traversent, ils meurent les uns après les autres. Les femmes sont violées, les enfants sont volés par les nomades et vendus comme esclaves. Et seuls quelques milliers de personnes arrivent au bout de ce calvaire. Mais après tout, c'est bien ce que les autorités turques avaient prévu. Il ne pouvait pas en être autrement. J'imagine que cette tragédie doit avoir des témoins. Oui, bien sûr, malgré la censure rigoureuse que le gouvernement ottoman impose à la presse et aux étrangers, de nombreux témoignages filtrent. Plus horribles d'ailleurs les uns que les autres. Et en Occident, on s'indigne. Mais les Turcs ne bronchent pas et mettent en avant les nécessités militaires. C'est parfaitement hypocrite car cette déportation massive n'a pas seulement touché les populations arméniennes qui se trouvaient dans les zones de guerre. Dans la petite Arménie aussi, oui, alors. Oui, partout où se trouvaient des Arméniens. Ouais. Ouais. Bon, c'est donc le peuple arménien tout entier qui était visé. Absolument. Ouais. Mais comment le gouvernement des jeunes Turcs pouvait justifier la déportation de ces Arméniens qui n'habitaient pas dans les zones de guerre? En prétendant que ces Arméniens conspiraient contre l'Empire ottoman et servaient objectivement les intérêts des ennemis de la Turquie. Ouais. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'Arméniens qui ont ainsi péri? Les chiffres sont toujours difficiles à établir. Et aujourd'hui encore, les historiens ne sont pas tous d'accord sur les estimations qui ont été fournies. Enfin, on pense généralement que sur les 1 800 000 Arméniens qui vivaient en Turquie, 1 200 000 ont péri, assassinés ou morts d'épuisement au cours de leur déportation. Il faut ajouter, pour être tout à fait juste, que des milliers d'entre eux ont été sauvés par des Turcs qui n'ont pas adhéré à la propagande de leur gouvernement. En tout cas, enfin, pour vous, il est clair que ce génocide a été programmé. C'est évident. S'il y avait eu ici ou là des exactions limitées contre les Arméniens, on aurait pu se poser des questions, accuser des bandes échappant à l'autorité de Constantinople. Mais la généralisation même du massacre ne laisse pas la place au doute. Les dirigeants du parti jeune turc ont, à la faveur de la guerre, décidé froidement de se débarrasser des Arméniens. Une sorte, comme on dit aujourd'hui, de purification ethnique. Oui, toutefois, les Turcs ne sont pas les seuls responsables. Qui alors? Que voulez-vous dire? Et leurs alliés allemands ne sont pas tout à fait innocents. Aux États-Unis et en France, l'émotion a été considérable quand on a commencé à entrevoir la vérité sur le génocide arménien. Le gouvernement turc a très vite pris conscience de cette réprobation. Et dès mai 1915, alors même que le massacre et les déportations avaient commencé, il a tenté d'en donner une justification légale. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, Talaat Pacha, qu'on considère généralement comme l'un des principaux instigateurs du génocide, officialise les déportations dans un communiqué adressé au grand vizir. En voici un extrait. Parce que certains des Arméniens vivant près des zones de guerre ont entravé les activités de l'armée impériale ottomane, à laquelle on a confié la défense des frontières contre les ennemis du pays, parce qu'ils ont gêné le mouvement des vivres et des troupes, parce qu'ils ont fait cause commune avec l'ennemi, et notamment Parce qu'ils ont attaqué les forces militaires à l'intérieur du pays, la population innocente et les villes et cités ottomanes, tuant et pillant, parce qu'ils ont même osé fournir à la marine ennemie des vivres et lui révéler la position de nos places fortifiées, et parce qu'il est nécessaire que les éléments rebelles de cette espèce soient retirés de la zone des activités militaires et que les villages qui sont leur base et leur refuge soient évacués, certaines mesures sont en ce moment adoptées, dont la déportation. Suit une liste de préfectures où les Arméniens doivent effectivement être déportés, mais c'est une justification a posteriori puisque déportations et massacres ont commencé un mois plus tôt. Avant d'en venir, enfin, ce que vous appelez la responsabilité allemande, hein, c'est ça, la question est, est-ce qu'on a découvert des preuves écrites du caractère prémédité du génocide ? Ce genre de crime ne se signe pas. Mais de nombreux témoignages, des documents aussi, ont permis d'établir qu'il existait réellement un plan concerté d'extermination. Sinon, comment expliquer que tant de fonctionnaires, tant d'officiers aient agi dans le même sens ? À l'évidence, ces hommes n'ont pas pris d'initiative personnelle, mais ont obéi au gouvernement central. D'accord. Alors, l'Allemagne ? Notre voisin avait établi depuis longtemps d'excellentes relations avec la Turquie. Depuis quand exactement ? Cela avait commencé à la fin du XIXe siècle, quand le sultan avait demandé à Berlin de réorganiser l'armée turque et de former ses officiers. Mais pourquoi l'Allemagne ? Il y avait des points communs entre les deux pays. Ils partageaient en particulier le même culte du militarisme. Et sans exagérer, on peut parler de connivence idéologique entre l'Allemagne et la Turquie. L'empereur Guillaume II considérait que l'Empire ottoman était la Prusse de l'Orient. Vous avez dit connivence, hein, c'est ça ? Enfin, il y avait quand même eu la différence religieuse. Hein. Certes, mais Guillaume II, toujours lui, avait le plus grand respect pour le sultan qui gouvernait au nom de Dieu. Au fond, pour simplifier, il comparait l'islam, facteur d'unité, avec les vertus traditionnelles de la Prusse qui faisait sa force. Ouais, et son culte de l'ordre. Oui, et son puritanisme, et son respect absolu de la hiérarchie et de la discipline. En outre, leur hostilité commune à la Russie rapprochait les deux pays. La Turquie, déjà très affaiblie, avait peur de son voisin russe qui ne cessait de progresser en Transcaucasie. Et les Allemands, eux, voulaient que les Turcs s'engagent contre les Russes en cas de guerre germano-russe. Ouais, chacun y trouvait donc son compte. Oui, Berlin a d'ailleurs profité de cette coopération militaire très étroite pour permettre à son industrie de l'armement en groupe, essentiellement, de fournir matériel et munitions à la Turquie. Mais cette coopération militaire se limitait à la formation des hommes ? Non, elle allait beaucoup plus loin. Les généraux allemands qui ont été envoyés en Turquie n'étaient pas seulement des pédagogues. Il leur était accordé une place au sein même de la hiérarchie militaire ottomane. C'est-à-dire qu'ils pouvaient commander des soldats turcs ? Effectivement. Ça peut vous sembler exorbitant, mais c'était la réalité. Le ministre turc de la Défense, Enver, était lui-même un homme des Allemands. Un agent ? N'exagérons pas, mais enfin c'était un grand admirateur de Guillaume II et il n'avait rien à refuser à ses amis de Berlin, où il avait été attaché militaire. Il faut noter que grâce à lui en particulier, les officiers supérieurs allemands, dont un maréchal, des généraux et des amiraux, vont être sans cesse plus nombreux en Turquie. Au début de la Première Guerre mondiale, ils seront plusieurs centaines et au total, la mission militaire allemande comptera 12 000 hommes. Ces militaires allemands vont donc avoir une grande influence dans la conduite de la guerre. Oui, on peut même dire qu'ils vont forcer les Turcs à entrer en guerre. De quelle façon ? Ne nous éloignons pas trop. Mais ce sont des marins allemands à bord de bâtiments arborant le pavillon turc qui, en attaquant des navires russes, ont précipité la Turquie dans la guerre. J'ajoute, et ce n'est pas anodin, que c'est un officier allemand qui aura la haute main sur le deuxième bureau, c'est-à-dire les services de renseignement turcs. L'Allemagne connaît donc tous les secrets de l'Empire ottoman ? Sans aucun doute. Mais si j'ai insisté sur ce dernier point, c'est que le deuxième bureau va avoir la responsabilité de mettre en place cette sinistre organisation spéciale dont je vous ai parlé. Cette bande de nervis qui va commettre les plus grands crimes contre les Arméniens. En tout cas, ça veut au moins dire que les Allemands ne pouvaient pas ignorer les massacres. Mais bien évidemment. Et selon certaines sources, Berlin aurait même financé cette organisation d'assassins. Mais allons encore plus loin. Un homme, un général allemand, va jouer un grand rôle dans cette malheureuse histoire. Qui ? Fritz Brunsart von Schellendorf. Il occupe une fonction essentielle car il est chef d'état-major au quartier général ottoman. Chef d'état-major, il est donc au cœur du système. Et il ne peut donc, lui non plus, rien ignorer de ce qui va se traduire. Bien entendu, mais peut-être même en est-il à l'origine. Vous voulez dire l'origine du génocide ? C'est une possibilité. Bronsart était convaincu que les Arméniens représentaient un danger mortel pour la Turquie. Et il est intéressant de remarquer que ce sont des agents allemands qui, les premiers, ont informé les Turcs que des Arméniens se livraient à des actions de sabotage derrière leur ligne. Dans le but de pousser les Turcs à se débarrasser des Arméniens. Et au moins à les déporter. Mais on sait ce que ça signifie dans ce cas précis. Oui. Bronsart, donc, personnellement, une responsabilité dans le déclenchement du génocide ? J'en suis persuadé. Et la preuve a été apportée par Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur turc, dans ses mémoires. Il mentionne notamment une réunion secrète de ministres suscitée par Bronsart, réunion au cours de laquelle, faisant état des actions menées par les Arméniens sur les arrières des armées, le général allemand a exigé de vigoureuses mesures de représailles. C'est-à-dire la déportation. Mais remarquons que Bronsart n'a pas été le seul officier allemand à encourager les Turcs dans cette sanglante croisade anti-arménienne. A contrario, de nombreux diplomates allemands et même des militaires ont dénoncé les massacres et les horreurs auxquelles ils ont assisté. Mais leurs témoignages ont rarement été diffusés en Allemagne, où le régime imposait une stricte censure sur les événements de Turquie. Mais tout de même, enfin, Berlin, allié des Turcs, risquait à terme d'être compromis. C'est juste, mais la position officielle de l'Allemagne consistait à affirmer que l'armée allemande n'avait pas été mêlée à un drame qui n'était après tout qu'une affaire intérieure turque. Et Berlin a tout fait pour que soient dissimulées les éventuelles preuves d'une complicité allemande et détruit les documents compromettants. Ainsi, après, on pouvait tout au plus accuser l'Allemagne de passivité. Passivité bienveillante. Bien sûr, car les officiers allemands présents en Turquie avaient les moyens de s'opposer au génocide. Leur haute fonction, leur influence le leur permettaient, mais ils ne l'ont pas fait. Pire, ils ont même aidé les principaux dirigeants du parti jeune turc, c'est-à-dire les vrais responsables du génocide, à fuir en 1918. Fuir où ? Eh bien, naturellement, si je puis dire, ces criminels ont trouvé refuge en Allemagne. Mais il y a encore quelque chose de plus troublant que je voulais préciser. Quelque chose qui éclaire de façon sinistre ce qui va se passer plus tard en Allemagne. De retour chez lui, ce général Bronsart, dont je vous ai parlé, n'hésite pas à déclarer « Je ne garantis pas l'exactitude des mots justes, mais enfin le sens y est. » L'Arménien est comme le juif, un parasite égaré hors de sa patrie qui suce la moelle du peuple qui l'accueille. Ouais, quelques années plus tard, Hitler arrivera au pouvoir. Oui. Et il n'est pas inintéressant de noter qu'un nombre non négligeable de ces officiers allemands qui ont collaboré étroitement avec les militaires turcs rejoindront le parti nazi. Après tout, c'était des hommes d'expérience. Ils savaient déjà comment procéder à l'extermination presque entière d'un peuple. Sur ce dernier point, celui de la responsabilité allemande, je vous recommande la lecture d'un livre monumental écrit par Wagner d'Adrian, « Histoire du génocide arménien » paru en 1996 chez Stock. Pour le reste, je laisse la conclusion au journaliste Jean-Pierre Perroncel-Hugoz qui écrit ceci dans le journal Le Monde du 23 avril 1995. Malgré l'énormité des faits avérés, malgré les procès organisés en Turquie même en 1918 par des Turcs et au cours desquels des agents de l'État reconnurent avoir reçu du gouvernement l'ordre d'exterminer les Arméniens, malgré la modération de la réclamation morale d'une Arménie de Rechef indépendante depuis 1991, la Turquie républicaine actuelle, alliée irréprochable de l'Occident depuis 1945, continue de nier en bloc le génocide à quelques rarissimes exceptions près. À telle enseigne que sur la colline stambouliote des martyrs turcs continue d'être honoré le tombeau de Talat Pacha, ministre de l'Intérieur en 1915 et à ce titre d'honneur de l'ordre fatidique du 24 avril, anéantissé les Arméniens. Il fut pour cela tué en 1921 à Berlin par un jeune Arménien qu'acquitta la justice allemande. Dans ce même pays, l'Allemagne, Hitler interrogerait un sombre jour de 1939 « Qui se souvient encore de l'extermination des Arméniens ?» On connaît malheureusement la suite.